Chapitre 43e, le club 23. Thérèse Turandot était là, tassée sur sa chaise, comme une bête malfaisante. Après la lecture édifiante de son écœurant journal, Dutilleul savait à qui il avait affaire. Il ne lui trouvait plus la moindre beauté. Il ne fut pas un instant sensible à ses cheveux sombres, pourtant splendides, ni à ses yeux gris finement pailletés de vert. Pour lui, elle n'était, comme déjà avait dit Pierre Plantier lors de leur entretien, une créature. Oui, c'était exactement cela. Thérèse Turandot, de par sa nature, ne pouvait appartenir au genre humain. Pourtant, il en avait vu dans sa carrière. Il était même payé pour cela, mais tout de même. Bien sûr, il n'était pas non plus tout à fait naïf. Il savait parfaitement que le monde devenait de plus en plus violent. Cependant, jusqu'à ce jour au moins, il avait voulu croire qu'il y avait certaines limites. Ce qui ne semble pas être le cas pour Thérèse Turandot. Celle-ci avait froidement planifié deux morts et provoqué une troisième, sans que cela ne lui cause le moindre émoi. Elle avait eu non seulement l'ignominie de s'en réjouir, mais pire, elle l'avait écrit. Dutilleul était curieux de voir comment elle comptait se comporter, mais encore une fois, pas tout de suite. Il allait lui faire ronger son frein un petit peu, satisfait que, pour la première fois, ce soit elle qui soit sur le grill, elle qui s'était gossée si ouvertement de tant de monde. Dutilleul savait très bien que le procédé n'était pas des plus jolis, mais il passerait outre. Il ne voulait pas s'attarder sur son histoire, il ne gardera en tête que les crimes d'Acrou, Grimbert, Lourjade. Dutilleul n'était pas un homme dur, même s'il avait eu à se montrer ferme par le passé, mais cette Thérèse Turandot, il allait particulièrement la soigner, comme on disait dans le jargon. Pourquoi? Parce qu'il éprouvait une profonde révolte au fond de lui. Il voulait, il ne fallait pas qu'il s'en tire à bon compte. Bien sûr, il ne pouvait charger la barque, il n'en avait pas le droit, mais il apporterait tout le soin nécessaire à l'enquête. De toute façon, Viard lui avait renouvelé son soutien sans réserve. Il l'avait même senti prêt à aller au feu pour lui, surtout quand Dutilleul lui avait fait lire les extraits du fameux journal. Bien sûr, il savait parfaitement qu'avec une telle cliente, il ne pouvait laisser traîner les choses indéfiniment, mais cette petite pause était bienvenue. C'était comme si elle lui permettait de trouver un moyen de retenir suffisamment sa respiration pour plonger dans une mare particulièrement puante. Il regagna son bureau et but une nouvelle tasse de thé. La pause fut en fait de très courte durée, et Patricia Martineau eut presque du remords à déranger Dutilleul. C'était encore une de ces rudes journées qu'elle redoutait. Seulement, avec son visiteur du jour, elle ne pouvait se permettre de perdre une minute. Elle avait fait patienter le vieil homme avec un café avant de frapper à la porte. Comme elle s'y attendait, Dutilleul la regarda un peu distraitement. Il était éreinté. Toutefois, la voix, elle, était une réelle invite à parler. « Monsieur Lurel est arrivé. »« Lurel, ah oui. Eh bien, il a fait vite. C'est absolument parfait. »« Voulez-vous le faire un peu patienter ?» Non, non, ma bonne Patricia, je vais le recevoir tout de suite. Si bien sûr vous pouviez, avec votre gentillesse coutumière, lui préparer un petit café, alors... Voyons, monsieur, c'est déjà fait. Ah, Patricia, je ne sais pas ce que je ferais sans vous, monsieur. Vous pouvez le faire entrer. Sûr? Oui. Au moins cet entretien-là ne sera pas pénible. En revanche, il risque de m'apprendre des choses bien utiles. Robert Lurel entra dans le bureau d'un pas hésitant. Visiblement, il avait l'air très surpris par cette convocation. C'était un petit homme un peu empâté, au physique sans grand relief. Pourtant, la poignée de main était ferme, ce qui rassura un peu Dutilleul. Celui-ci ne tarda pas à débuter l'entretien. « Bonjour, monsieur Lurel. Je tenais d'abord à vous remercier de vous être rendu disponible si rapidement. Eh bien, ce n'était pas le plus compliqué. Comment va votre petite fille ? Choquée ? Surtout très choqué. Lui avez-vous dit de déposer plainte le plus tôt possible? Oui, c'est fait. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup à la pousser. Je crois qu'elle est fermement décidée à le faire. Pour ma part, je suis un peu surpris par tout cela. Surtout que ma Tiphaine n'a jamais fait de mal à une mouche. Elle, effectivement pas. Mais ce n'est pas le cas pour l'autre. Lui avez-vous fait part de mes recommandations au sujet des appels téléphoniques? Oui, oui, j'ai bien compris que c'était important. Oui, cela l'est, extrêmement. Dites-lui aussi de se présenter directement ici. Qu'elle demande l'inspecteur Bellegarde, C'est un homme qui a toute ma confiance. Il se chargera de tout. Surtout qu'elle ne soit pas terrifiée. Elle est dans son bon droit. Accompagnez-la au besoin. Oui, franchement, ce serait mieux. Je sais combien un commissariat peut être intimidant, surtout pour une victime. Très bien, nous suivrons vos instructions. Maintenant, si vous voulez, je peux me retirer. Hélas non, pas encore. Je crois avoir besoin de vos lumières. Si c'est dans mes cordes, répondit Robert Lurel d'une voix hésitante. Écoutez, monsieur Lurel, je ne vais pas tergiverser avec vous. J'ai besoin de renseignements au sujet du Club 23. Robert Lurel le regarda longuement, comme s'il n'était pas encore totalement convaincu. C'était vous l'annonce? Oui, vous l'avez vu. Bien sûr, mais je n'arrivais pas à me décider. C'était un club assez fermé. Monsieur Lurel, comprenez, j'ai vraiment besoin de vous. Il faut que quelqu'un parle, car je crois que ce qui était quelque chose de respectable au départ a été totalement dévoyé. Respectable, disons que c'est parler un peu vite. Toutefois, il est vrai qu'à sa création, le Club 23 l'était sans aucun doute. Dutilleul eut soudain un frisson qui ne trompait pas. Il avait enfin trouvé le bon interlocuteur. Il lui sembla soudain respirer un peu mieux. C'est avec grand intérêt qu'il reprit. « Vous connaissez toute l'histoire ?»« Eh bien oui. Comment ne pas s'y intéresser ? Il n'a jamais été un club ordinaire, vous savez. Dès le départ, il a eu une fonction bien définie, honorer des morts. » Honorer des morts ? Eh oui. Ces anciens pensionnaires des Tournelles, tués au cours de la Grande Guerre, dont deux au chemin des Dames. Ils avaient pour nom Germain Berthelot, Marcel Simian, Louis Bobin, Raymond Pardet, Isidore de Serre et Jules Galtier. C'était le directeur de l'époque, Gaston Domarge, qui l'a créé en 1923. À ce que j'ai compris, il ne parvenait pas à se remettre de ses pertes prématurées, surtout que tous ces garçons étaient de bons éléments. Sans doute, s'ils avaient vécu, auraient-ils fait une longue carrière. C'est pour cela que le club était particulièrement bien doté. Oui. À l'époque, ne rentrait pas qui voulait, croyez-moi. Il fallait soi-même avoir souffert de la guerre pour en être, ce qui valut à mon père d'y être presque automatiquement admis. En quoi consistait alors l'action du Club 23 ? En commémoration, essentiellement. Les garçons choisis bénéficiaient du privilège extraordinaire de pouvoir s'absenter des Tournelles pour entretenir les tombes tout au long de l'année, y compris pendant les vacances. Le point d'orgue de son action étant la commémoration de l'armistice. Il n'y avait donc à cette époque rien de répréhensible ? Absolument pas. C'était au contraire une affaire très sérieuse et très contrôlée, car Gaston Domarge ne plaisantait pas et aucun des membres du Club 23 ne prenait son office à la légère. Les fleurs achetées étaient toujours de très belle qualité et nombre de familles louaient l'action des garçons. Pourtant, une dérive est très vite apparue, n'est-ce pas ? À mon avis, avec autant d'argent en jeu, c'était fatal. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que Gaston Domarge était âgé, et comme tout le monde, il a dû se résoudre à prendre sa retraite au grand soulagement de certains. Voyez-vous, c'était un homme du passé, très raide sur la discipline et absolument insensible à l'argument financier. En bref, un élève riche, mais mal élevé, n'avait absolument aucune chance d'être scolarisé aux Tournelles. Ceci, quel que soit le montant du chèque fait par papa. Domarge était intraitable sur le sujet. L'autre point qui a été fatal au club, c'est qu'on ne voulait tout simplement plus entendre parler de la guerre. On voulait oublier toute cette horreur qui avait décimé toute une génération. Comble de malheur, c'est à ce moment-là qu'un certain Simon Cordonnet a été admis dans le club. Pourquoi dites-vous cela ? Parce que c'était un voyou, et qu'une fois dans la place, il n'a pas hésité un instant à appliquer des méthodes répréhensibles pour réformer le club, qui, selon lui, sentait la naphtaline. Les anciens se virent peu à peu écartés ou quittèrent l'institution à l'été. Les tombes furent très vite abandonnées, et l'esprit premier du club fut rapidement enterré lui aussi. Dès la rentrée suivante, des statuts occultes furent écrits. Comprenez, Cordonnet se proclamait antimilitariste et pour lui, le club devait être le moyen d'exprimer le rejet de la société de l'époque. Dès lors, le mot d'ordre sembla être « défions les convenances ». Vous imaginez combien Domarge aurait pu en être peiné. C'est aussi à cette période que Berthelot, Simian, Bobin, Pardet, De Serre et Galtier devinrent autant de pseudonymes bien pratiques à utiliser pour commettre des mauvais coups. Tout cela n'était pas encore suffisant pour coordonner. Il innova encore en attribuant un rôle bien précis à chacun. Quel était exactement le rôle des autres? 4 garçons devaient agir, un faire le guet et un autre stocker des marchandises éventuellement dérobées. Charmant, n'est-ce pas? Heureusement pour nous, Cordonnet ne passa que 2 ans aux Tournelles. Aussi n'eut-il pas le temps de créer trop de dommages. Il fut surpris à fumer dans les toilettes et immédiatement renvoyé. Je crois que quelqu'un l'a dénoncé, et pour ma part, je ne l'ai jamais regretté. N'empêche qu'après lui, le club n'a plus été le même. Il était surtout devenu un rassemblement de potaches qui buvaient beaucoup trop. Comme il ne causait guère de dégâts, on a choisi de fermer les yeux. C'est dommage, car au départ c'était une jolie idée et cela rendait bien service. Qu'en fut-il lors de la Seconde Guerre? Elle n'a rien changé, bien au contraire. Cette fois, il valait mieux rester bien à l'abri des murs de l'établissement, car, à ce que j'ai pu savoir, les pensionnaires n'ont pas manqué de grand-chose. Ce n'est sans doute pas bien glorieux, mais c'est ainsi. De plus, et c'est un fait malheureusement avéré, un certain tri avait été effectué, et seules les familles dites pures furent acceptées aux Tournelles. Pardonnez-moi, mais je ne pense pas que beaucoup de Juifs aient été scolarisés aux Tournelles. Non, mais il y en eut toutefois quelques-uns. Du moins, ça c'était du temps de dommage, mais je pense que vous l'aviez deviné. Une dernière question. Vous avez connu un certain Maurice Turandot? Non, il n'était pas dans ma promotion. Ce n'est pas grave. Il me reste à vous remercier de vous être déplacé. Vous m'avez été très utile. Vous ne donnerez pas de publicité à ce que je vous ai dit. Je vous promets en tout cas d'en donner le moins possible, même si vous devez vous attendre à en entendre parler. Il semble que certains états d'esprit se soient perpétrés de la façon la plus curieuse. Dutilleul raccompagna Robert Lurel à la porte. Il lui avait été très utile, car l'histoire du Club 23 méritait le détour. Il se sentait maintenant prêt à affronter Thérèse Turandot et s'apprêtait à redescendre en salle d'interrogatoire quand Viard le stoppa net dans le couloir. Il présentait une tête qui ne plut vraiment pas à Dutilleul. Il avait l'air hors de lui, et comme Dutilleul n'avait pas le sentiment d'avoir commis d'impair. Retournons à votre bureau, voulez-vous? Dit Viard, comme s'il parvenait enfin à retrouver son souffle. Je m'apprêtais à aller interroger Thérèse Turandot, dit sombrement Dutilleul. Vous ne l'aviez pas encore fait? Le ton de Viard surprit immédiatement Dutilleul. Ce n'était en rien une accusation, bien au contraire. Il semblait comme soulagé, ce qui mit Dutilleul immédiatement sur les gardes. Visiblement, il y avait du nouveau, et il n'aimait pas la direction que semblait prendre le vent. « Non, j'avais un témoin important à voir avant. »« Alors c'est parfait. On ne pourra pas nous accuser de violence policière sur mineurs. »« Excusez-moi là, mais j'ai dû rater un épisode. »« Oui, c'est vrai, vous ne pouvez être au courant. »« Thérèse Turandot vient d'être relâchée. »« J'espère que vous plaisantez. »« J'en suis très loin, croyez-moi. »« Que voulez-vous, il y eut un appel de très haut. » Et j'ai eu beau me battre comme un beau diable, je n'ai pu l'empêcher. Qui a ordonné ça? Pensez bien que je ne peux pas vous le dire. Ah, c'est comme ça. Écoutez, Dutilleul, je sais combien cela fait mal au bide, mais... Monsieur, je n'ai jamais menacé jusqu'à présent. Mais faites savoir à qui de droit que si Thérèse Turandot ne se présente pas à la convocation de demain, son journal intime sera immédiatement communiqué à la presse. Je pense que si son cas n'intéresse pas certains, d'autres, en revanche... Viard le regarda soudain avec le plus grand sérieux. « Vous ne savez pas ce que vous risquez à vous opposer à ces gens-là? Bien sûr que si. N'avez-vous pas dit vous-même que j'en ai les moyens? Alors je vous invite à leur faire savoir. Dites-leur au passage que Thérèse Turandot sera traitée comme la criminelle qu'elle est et que je ne céderai pas. Inutile de lui délivrer un statut de témoin assisté, elle ne va pas me mener en bateau, ou plutôt si, mais c'est moi qui tiendrai fermement la barre. » Viard sembla tout à coup se détendre. « Décidément, Dutilleul, vous me plaisez. Vous savez montrer les crocs quand vous le voulez, et j'aime ça. Mieux, je vous suis. J'aurais été très embêté si vous aviez baissé les bras. Ah, il n'est pas dit encore que Papa Turandot aura le dernier mot. Non. D'ailleurs, je voudrais le voir au passage, celui-là, afin qu'il puisse se délecter comme moi des écrits de sa fille. J'aimerais assez voir sa réaction. Si elle sera toujours sa petite-fille chérie... C'est vrai que cela risque de lui causer un sacré choc. Salutaire, croyez-le bien. Je crois qu'après cela, Mademoiselle Thérèse Turandot arrêtera certainement de prendre les gens pour des imbéciles, ou tout au moins, je le lui souhaite. Je cours chez le juge Richaud obtenir les convocations. « Pas besoin, » dit Dutilleul soudain calmé. « Je vais m'en charger. »« Dutilleul. » « Oui, monsieur. » « Vous devriez vous mettre en colère plus souvent. » Dutilleul avait dormi chez Madot, qui, comme à son habitude, avait été parfaite. Elle n'avait même pas parlé de la griffure. Ils avaient dîné dehors, ce qui était parvenu à enfin un peu détendre Dutilleul. Il avait choisi un restaurant du sud-ouest, et Madot avait accepté avec plaisir que Bellegarde, accompagnée cette fois de Marguerite, se joigne à eux. Autre fait exceptionnel. Dutilleul avait vraiment faim. Aussi ne se fait-il pas prier quand le succulent cassoulet à la graisse de canard arriva. Au contraire, la nourriture sembla enfin descendre toute seule dans son estomac. Il prit même un dessert, une poire belle hélène que cependant il partagea avec Madot. Puis on se sépara vers les 11h30 et chacun rentra tranquillement de son côté. Madot prit le volant, ainsi Dutilleul put continuer à se reposer. Il aimait sa conduite sans à-coups stupides. Enfin, malgré sa journée, Dutilleul passa une très bonne nuit et il se sentait d'autant plus prêt à affronter les Turandot père et fille. Simplement, il les verrait séparément, histoire de bien montrer qui distribuait les cartes.